السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله جل وعلا، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وبعد، فموضوع المحاضرة في هذه الليلة التي نسأل الله عز وجل خيرها ونستعيذ بالله من شرها، عن أفضل الكتب المنزلة وأحسن الكلام، عن أعظم آية عن القرآن الكريم وأثره. Notre sujet de ce soir, بعون من الله عز وجل، sera la grandeur du Coran et ses effets. فإن الله سبحانه وتعالى خلق آدم بيده وأسكنه جنته، وهو مسكن الإنسان الأول ومسكن المؤمنين الأخير. نهاه الله سبحانه وتعالى نبيه آدم من الاقتراب من الشجرة، من هذه الشجرة، لكن وسوس له الشيطان فأكل منها، فعاتبه ربه سبحانه وتعالى فتاب عليه، لكن أخرجه من الجنة إلى دار الدنيا، دار الابتلاء. Certes, Allah subhanahu wa ta'ala créa Adam de sa main, le fit habiter dans son paradis. Et le paradis est donc la demeure première de l'humain. Et il sera la demeure dernière des croyants parmi eux. Nas'alullah azza wa jal an yaj'alana minhum. Allah tabaraka wa ta'ala interdit à Adam de s'approcher d'un arbre précis. Mais suite aux insufflations sataniques, il s'en approcha et en mangea. Puis Allah Azza wa Jal le guida au repentir. Par la suite, Allah Azza wa Jal le fit sortir du paradis et habiter la demeure de ce bas monde, la demeure de l'épreuve. La demeure de ce bas monde, la demeure du test, la demeure de l'épreuve. Ainsi, nous comprenons que le paradis est la demeure première de l'humain et la demeure dernière des croyants parmi eux. Et que pour retourner dans ce paradis, il nous faut revenir à Allah subhanahu wa ta'ala et suivre un chemin précis qui nous a été enseigné de par l'envoi du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam et le plus grand des miracles qui lui fut révélé, Al-Qur'an al-Karim. قال الله سبحانه وتعالى قل نهبطوا منها جميعا فإما يأتينكم مني هدى فمن اتبع هداي فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون فمن تبع هداي فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. Nous dîmes, descendez d'ici, vous tous, toutes les fois que je vous enverrai un guide, ceux qui le suivront n'auront rien à craindre et ne seront point affligés. Et ceux qui ne croient pas, c'est-à-dire à nos messagers, traitent de mensonges nos révélations, Ceux-là sont les gens du feu où ils y demeureront éternellement. Ibn Kathir, rahimahullah ta'ala, explique ce verset et nous dit la guidée mentionnée dans ce verset, comme le dit Abu al-Aliyah, c'est-à-dire les prophètes, les messagers et les explications faites. فَمَنْ تَبِعَ هُدَايَ, celui qui suivra ma voie, c'est-à-dire qui se dirigera vers ce que nous avons révélé comme livre et ce avec quoi nous avons envoyé nos messagers, فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ, ces gens-là n'auront rien à craindre, c'est-à-dire de ce qui les attend dans leur futur, dans leur au-delà. وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ, et ne seront point affligés ou attristés, c'est-à-dire de ce qu'ils laisseront de ce bas monde. Et tous autant que nous sommes, nous recherchons dans ce bas monde et dans l'au-delà le bonheur. Et les gens dans cette recherche ont emprunté des voies multiples et différentes. Mais il n'y en a qu'une qui mène à Allah subhanahu wa ta'ala, à son agrément, à son paradis vaste comme les cieux et la terre. Et c'est le fait de revenir. Et c'est le fait de revenir au Coran, la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala. Tous prétendent rechercher ce bonheur, courir après ce bonheur, faire et dire, ou ne pas faire et ne pas dire à la recherche de ce bonheur. Mais qui est-ce qui revient au Coran, le lit, l'étudie, le médite, cherche à le comprendre, l'applique, en fait pour lui un guide? C'est pour cela que nous sommes tous dans le plus grand besoin. Un rappel relatif à ce noble Coran, à ce noble livre, en espérant qu'Allah Azza wa Jal, suite à cela, augmente nos fois, notre envie de lire le Coran, de le méditer, de l'appliquer, de le mémoriser, de le propager et de le prendre comme guide. Sache avant tout que le Coran, kalam rabbik wa malikik wa ilahik al-haq, Allah subhanahu wa ta'ala. Premièrement, sache que le Coran est la parole de ton Seigneur, de ton Maître, de la seule divinité qui mérite d'être adorée, Allah subhanahu wa ta'ala. Cette parole n'est pas créée, c'est un des attributs d'Allah subhanahu wa ta'ala. C'est une parole parfaite, complète, parfaite, complète, véridique. Allah subhanahu wa ta'ala nous dit « وَإِنْ أَحَدٌ مِّنَ الْمُشْرِكِينَ أَسْتَجَارَكَ فَأَجِرْهُ حَتَّى يَسْمَعَ كَلَامَ اللَّهِ » Et si l'un des associateurs te demande asile, accorde-le-lui afin qu'il entende la parole d'Allah. Donc le Coran est la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala. Dans le recueil, ou plutôt Al-Bukhari rahimahullah ta'ala, nous rapporte dans son livre Khalqu Af'al al-Ibad, selon Jabir radiallahu anhu, que le prophète sallallahu alayhi wa sallam s'avançait aux délégations venues accomplir le pèlerinage et leur disait: Ala rajulun yahmiluni ila qawmi, n'y a-t-il pas parmi vous un homme qui m'amènera à son peuple? Fa inna quraishan qad ma'na'uni an uballigha kalam rabbi. فَإِنَّ قُرَيْشًا قَدْ مَنَعُونِي أَنْ أُبَلِّغَ كَلَامَ رَبِّي. Car certes Quraysh, donc les gens de son propre peuple, certes Quraysh m'ont empêché de propager la parole de mon Seigneur. Cheikh Al-Albani nous dit que ce texte est authentique. Allah subhanahu wa ta'ala a parlé de par ce Coran. Et il le fit entendre au meilleur des anges, l'ange de la révélation, Jibril alayhi salam. Et ce dernier le transmit sur le meilleur des prophètes et messagers envoyés aux gens de la terre, Muhammad ibn Abdillah sallallahu alayhi wa sallam. À cet effet, Allah nous dit dans le Coran: Wa innahu la tanzilu rabbil alamin nazala bi ruhul amin ala qalbika litakuna min al munzirin. Bilisanin arabiyin mubin. C'est certes la révélation du Seigneur des mondes. L'Esprit fidèle est descendu sur ton cœur, ou descendu avec sur ton cœur, afin que tu fasses partie du nombre des avertisseurs. Et cela dans une langue arabe claire. Le Coran a la perfection absolue de tout point de vue. C'est la parole du Seigneur des mondes qui a été révélée sur le meilleur des hommes, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, la mère des créatures, par l'intermédiaire du meilleur des anges, Jibril alayhi salam. Et cela sur la meilleure des terres au monde, Mecca. Cela dans le meilleur des mois, Shahru Ramadan. Cela dans la meilleure des nuits, Laylatul Qadr. Ainsi le Coran a la perfection absolue de tout point de vue. Ainsi le Coran a la perfection absolue de tout point de vue. Et parmi les belles paroles de Abdullah ibn Saoud radiallahu anhu, que l'imam Ahmed mentionne, ou bien Abdullah, le fils de l'imam Ahmed, mentionne dans le livre As-Sunnah, من كان يحب ويعلم أنه يحب الله عز وجل. Celui qui aimerait savoir si réellement il aime Allah عز وجل, فليعرف نفسه على القرآن. Qu'il compare ou bien qu'il expose sa personne au Coran. فإن أحب القرآن فهو يحب الله عز وجل. فإنما القرآن كلام الله عز وجل. Qu'il expose sa personne au Coran. S'il aime le Coran, alors il aime Allah Azza wa Jal, car certes le Coran est la parole d'Allah Azza wa Jal. Ce livre-là a de nombreux attributs, a de nombreux mérites. Parmi ceux-ci, huwa kitabun mahfouz. C'est un livre protégé, préservé par Allah subhanahu wa ta'ala. Il est préservé de toute falsification, de toute altération, de toute disparition, sans la permission d'Allah subhanahu wa ta'ala. Inna nahnu nazzalna al-dhikra wa inna lahu lahafidhun. Allah subhanahu wa ta'ala nous dit, certes, c'est nous qui avons révélé le rappel, c'est-à-dire le Coran, et c'est nous qui le protégeons. C'est un livre de guidé. La meilleure guidée. Inna hadha al-Qur'ana yahdi lillati hiya aqwam. Dans sourate l'Isra, Allah nous dit, sur la traduction essence de ces versets, certes ce Qur'an guide vers ce qu'il y a de meilleur. Et nous n'avons pas dit le meilleur dans quoi? Dans la croyance, dans le fiqh, dans le comportement, dans le commerce, dans les transactions, dans le domaine social ou économique. Non. Afin que cela ait une portée générale. Ainsi ce Qur'an guide vers ce qu'il y a de meilleur dans tout. Celui qui cherche la guider, quel que soit le domaine, il trouvera cela de la plus belle des manières dans le Coran. Le Coran al-Karim, ikhwan al-kiram, est un livre de miséricorde. C'est une guérison. C'est la meilleure des exhortations. Allah nous dit dans le Coran, wa nunazzilu min al-Qur'an ma huwa shifaa'un wa rahmatun lil mu'minin. Et nous révélons du Coran ce dans quoi il y a une guérison et une miséricorde pour les croyants. C'est une sécurité contre l'égarement et la perdition. Zayd ibn Arqam, radiallahu anhu, comme l'a rapporté l'imam al-Tirmidhi, nous dit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, Inni tarikun fikum ma in tamassaktum bih, lan tadillu ba'di abada. Ou lan tadillu ba'di. Je vais laisser auprès de vous des choses. Si vous vous y accrochez, vous ne vous égarerez jamais après moi. Et le prophète alayhi salatu wassalam a cité Al-Qur'an. Allah tabaraka wa ta'ala a relié, a rattaché la bonté de la personne et sa suprématie à son rattachement au Qur'an. Plus la personne lit le Qur'an, plus elle mémorise le Qur'an, plus elle applique le Coran et enseigne le Coran, plus elle sera la meilleure des personnes. عثمان بن عفان رضي الله عنه نجيب comme l'a rapporté l'imam al-Bukhari. J'ai entendu les messages d'Allah sallallahu alayhi wa sallam dire: khayrukum man ta'allama al-Qur'an wa 'allamahu. Le meilleur d'entre vous est celui qui aura appris le Coran et l'aura enseigné. Les gens qui ont entendu ce hadith ont pris place dans la mosquée et ont enseigné le Coran jusqu'à leur décès. Les gens de cette chaîne de transmission. Al-Qur'an al-Karim manba'u ajrin 'azim. Al-Qur'an est une grande source de hasanat. L'imam al-Tirmidhi nous rapporte le hadith d'Abdullah ibn Sa'ud, dans lequel il dit, le message d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit: man qara harfan min kitabillah falahu hasana wal hasanatu bi ashri amthaliha la aqulu alif lam mim harf walakin alifun harf wa lamun harf wa mimun harf. Le prophète alayhi salatu wa sallam nous dit: celui qui lit une lettre du Coran aura pour cela une récompense, et chaque récompense sera multipliée par 10. Et je ne dis pas que alif lam mim est une lettre, mais alif est une lettre, lam est une lettre et mim est une lettre. Ainsi, lorsque tu dis alhamdulillahi rabbil alamin, combien de dizaines de hasanat tu as? Puis lorsque tu dis ar-rahman ar-rahim, combien de dizaines de hasanat tu as? Et ainsi de suite. Pour chaque lettre, tu as au minimum 10 hasanat. 10 hasanat. Al-Qur'an al-Karim manba'u rif'atin fi ad-darajat. Al-Qur'an al-Karim, c'est une source d'élévation en degré. C'est une source de noblesse. Omar al-Khattab rapporte que le message d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit: inna Allah yarfa'u bihadha al-kitab aqwaman wa yad'u biha akharin. Certes, par ce livre, Allah élèvera certaines personnes et en rabaissera d'autres. Al-Allama Abdul Muhsin al-Abbad dit: c'est une élévation pour ceux qui l'appliquent et un rabaissement pour les autres. Al-Qur'an al-Karim kitabun yashfa'u li ashabi yawm al-qiyamah. Al-Qur'an al-Karim est un livre qui intercédera en faveur de ses adeptes le jour de la résurrection. Yawma yafirru al-mar'u min akhihi wa ummihi wa abihi. Le jour où de la personne se sauvera sa propre mère, son propre père, ses frères, sa tribu, ses proches, ceux qu'il aimait dans ce bas monde, ils se sauveront de lui. Al-Qur'an al-Karim intercédera en sa faveur. Dans le recueil de l'imam Muslim, selon Abu Umama radiallahu anhu, le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit: Iqra'u al-Qur'an, lisez le Qur'an, fa'innahu ya'ati yawm al-qiyamati shafi'an li ashabih. Lisez le Qur'an, car certes, il viendra intercéder le jour de la résurrection en faveur de ses adeptes. Dans l'autre hadith, ceux qui l'appliquaient. Ahlul Qur'an lahum manzilatum khassa 'inda rabbil alamin ar-rahim al-wadud. Les adeptes du Qur'an ont une place toute particulière auprès d'Allah Azza wa Jal, le tout miséricordieux et affectueux. L'imam Ahmad nous mentionne le hadith de Anas ibn Malik radiallahu anhu. Qala Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam: inna Allah ta'ala aw inna lillahi ta'ala ahlin minan nas. Qalu ya Rasulullah, man hum? Qala hum ahlul Qur'an, ahlullah wa khassatuh. Le message d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit: certes, Allah a des privilégiés parmi les gens. Ils dirent: qui sont-ils, au messager d'Allah? Et lui de répondre sallallahu alayhi wa sallam: ce sont les gens du Qur'an, ce sont les adeptes du Qur'an, ce sont les privilégiés chez Allah et ceux qui ont la plus grande particularité auprès de lui. Subhanallah, les gens du Qur'an, hum ahlullah, ce sont les privilégiés chez Allah subhanahu wa ta'ala, ceux qui ont une place particulière auprès de lui. Chaque être aime avoir une place particulière auprès de l'être aimé. Que dire alors d'avoir une place chez celui que les croyants aiment par-dessus tout? Allah. وَمِنَ النَّاسِ مَا يَتَّخِذُ مِنْ دُونِ اللَّهِ أَنْدَادًا يُحِبُّنَهُمْ كَحُبِّ اللَّهِ وَالَّذِينَ آمَنُوا أَشَّدُّ حُبًّا لِلَّهِ. Et parmi les gens, il en est qui prennent des égos, qui assignent des égos à Allah, les aimant comme on aime Allah. Quant à ceux qui ont la foi, leur amour pour Allah est plus ardent parce qu'il est sincère, il est que pour Allah. Alors le croyant, il veut avoir une place chez Allah. Il veut se rapprocher d'Allah. Voici un chemin qui mène à cet agrément, qui mène à cet amour d'Allah subhanahu wa ta'ala, avoir cette place toute particulière. Le Coran est le signe par lequel Allah Azza wa Jal a défié le peuple du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Chaque prophète vient à son peuple, chaque messager vient à son peuple avec des signes et des miracles pour montrer la véracité de ce à quoi il appelle et que c'est réellement un messager, un prophète envoyé par Allah. Et à cette époque, ils avaient al-fasaha, l'éloquence, la prose, la poésie, et ils ne connaissaient pas les fautes dans cette éloquence. Allah Azza wa Jalla leur a donc lancé un défi. Vous dites que le messager d'Allah Muhammad sallallahu alayhi wa sallam a déterré un livre, est un menteur, est un sorcier, un magicien, un fou, et vous dites, et vous dites. Alors on vous met au défi d'amener un Coran semblable. Ils n'ont pas pu relever ce défi. Alors on l'allégea. Et on leur a demandé d'apporter 10 sourates semblables au Coran. Ils n'ont pas pu relever ce défi. Alors on l'a allégé à une sourate, à quelques versets. Et ils ont été incapables. Ils ont été incapables de relever ce défi. Pourquoi ? Parce que ce Coran n'est pas l'œuvre de la créature. وَإِنَّهُ لَتَنْزِيلُ رَبِّ الْعَالَمِينَ. Mais plutôt car c'est la révélation du Seigneur des mondes. Allah nous dit dans le Coran, قُلْ لَإِنِ اجْتَمَعَتِ الْإِنْسُ وَالْجِنُّ عَلَىٰ أَنْ يَأْتُوا بِمِثْلِ هَذَا الْقُرْآنِ لَا يَأْتُونَ بِمِثْلِهِ وَلَوْ كَانَ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ ظَهِيرًا. Dit, même si les hommes et les djinns, c'est-à-dire l'ensemble, s'unissaient pour produire quelque chose de semblable à ce Coran, ils ne sauraient produire rien de semblable, même s'ils se soutenaient les uns les autres. Allah nous dit, أَمْ يَقُولُونَ افْتَرَاهُ قُلْ فَأْتُوا بِعَشْرِ سُوَرٍ مِثْلِهِ مُفْتَرَيَاتٍ وَادْعُوا مَنِ اسْتَطَعْتُمْ مِنْ دُونِ اللَّهِ وَادْعُوا مَنِ اسْتَطَعْتُمْ مِنْ دُونِ اللَّهِ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ. Ou bien ils disent, il a forgé, c'est-à-dire le Coran, dit, apportez donc 10 sourates semblables à ceci, forgées par vous-même, et appelez qui vous pourrez, c'est-à-dire pour vous aider, en dehors d'Allah, si vous êtes véridiques. Allah nous dit encore, wa in kuntum fi raybin mimma nazzalna ala 'abdina fa'tu bi suratin min mithlihi wad'u shuhada'akum min dunillahi in kuntum sadiqin. Si vous avez un doute sur ce que nous avons révélé à notre serviteur, tâchez donc de produire une sourate semblable et appelez vos témoins, vos fausses divinités que vous adorez en dehors d'Allah, si vous êtes véridiques. Al-Qur'an kalamullah, personne n'a jamais réussi à apporter quelque chose de semblable. Et ceux qui ont tenté cela se sont ridiculisés. Et jusqu'aujourd'hui, les gens se raillent de ce qu'ils ont tenté d'apporter pour rivaliser la beauté du Coran. Ce noble Coran, malgré sa beauté, sa bénédiction, sa guidée, son éloquence, malgré tout cela et bien d'autres qualités, une partie de la communauté a délaissé ce Coran, s'est éloignée de ce Coran, à un point tel que ce fut l'objet de plaintes du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Allah nous dit, wa qala ar-rasul ya rab إِنَّ قَوْمِ اتَّخَذُوا هَذَا الْقُرْآنَ مَهْجُورًا. Et le messager a dit, ô Seigneur, certes mon peuple a pris ce Coran pour une chose délaissée. Il convient à chacun d'entre nous de se poser cette question. Est-ce que je fais partie de ceux qui ont délaissé le Coran? Est-ce que je fais partie de ceux qui ont abandonné le Coran? Est-ce que j'ai délaissé la cause de ma guidée, de ma réussite, de mon bonheur, de ma félicité, la meilleure exhortation, la meilleure guidée, la meilleure parole, le meilleur livre, le meilleur signe? Est-ce que je l'ai délaissé? Ou est-ce que je fais partie des adeptes du Coran? Délaisser le Coran, ça ne veut pas seulement dire délaisser sa lecture. Mais ça comprend également le fait de délaisser la foi en ce Coran, le fait de certifier ses dires, ou le fait de penser que ça n'est pas la parole d'Allah, ou encore délaisser sa lecture, sa méditation, sa mise en pratique, le fait de se détourner du Coran pour mettre plus de temps dans autre chose, le fait de penser pouvoir se passer du Coran, tout cela entre dans le délaissement du Coran. On doit donc faire nos causes. On doit donc faire les causes et chercher en nous, est-ce qu'on a emprunté le chemin du Coran, nous qui prétendons tous rechercher le bonheur et la réussite. Allah subhanahu wa ta'ala a ordonné à son prophète sallallahu alayhi wa sallam de lire le Coran, et il a blâmé ceux qui ne le méditent pas. Il nous dit dans le Coran, وَاتْلُ مَا أُوحِيَ إِلَيْكَ مِنْ كِتَابِ رَبِّكَ, dans sourate Al-Kahf, et lis ce qui t'a été révélé de la part, ou bien lis ce qui t'a été révélé comme livre de la part de ton Seigneur. On trouve dans le Coran, فَلَا يَتَدَبَّرُونَ الْقُرْآنَ أَمْ عَلَى قُلُوبٍ أَقْفَالُهَا. Ne vont-ils donc pas méditer le Coran, ou ont-ils des cadenas sur les cœurs, sur leur cœur? كِتَابٌ أَنْزَلْنَاهُ إِلَيْكَ لِيَتَدَبَّرُوا آيَاتِهِ, un livre que nous avons révélé sur toi afin qu'ils en méditent les signes, وَلِيَتَذَكَّرَ أُولُو الْأَلْبَابِ, pour que les gens doués d'intelligence se rappellent. Celui qui médite le Coran connaîtra son Seigneur à travers la beauté de ses noms, ses attributs, ses actions. Il reconnaîtra sa toute-puissance, sa miséricorde, sa bonté, sa générosité. Il l'aimera donc au plus haut point. Il le redoutera et s'éloignera de sa désobéissance. Il recherchera son agrément. Il recherchera son agrément, cherchera à lui obéir, s'éloignera de sa désobéissance et espérera en lui l'acceptation de ses œuvres, son repentir. Celui qui est dans cet état lors de la lecture du Coran et après sa lecture, le Coran réellement sera pour lui une guérison, une richesse, une puissance, une compagnie. Et l'Ajurri rahimahullah nous dit dans Adab, Hamalati al-Qur'an, وَكَانَ هَمُّهُ عِنْدَ تِلَاوَتِهِ مَتَى تَعِذُ بِمَا أَتْلُوهُ وَلَمْ يَكُنْ مُرَادُهُ مَتَى أَخْتِمُ السُّورَةِ. Écoutez cette parole très importante de l'imam Al-Ajurri dans son livre Adab, Hamalat al-Qur'an. Et son but sera lors de sa lecture, lorsqu'il lira le Qur'an, son but premier sera, quand est-ce que je vais tirer profit de cette exhortation? Quand est-ce que je vais réellement ressentir cela dans mon cœur et tirer profit de l'exhortation de ce que je lis? Et son but ne sera pas quand est-ce que je vais arriver à la fin de cette sourate. Quand tu lis le Coran, quand tu ouvres le Mus'haf, quel est ton but? Quand est-ce que je vais finir le Coran? Quand est-ce que je vais finir le Mus'haf? Imam Al-Ajurri dit, celui qui lit réellement le Coran et a réellement les effets du Coran, c'est pas ça son but. C'est quand est-ce que je vais être touché dans mon cœur? Quand est-ce que je vais comprendre ce qu'Allah veut de moi dans le Coran? Quand est-ce que je vais appliquer ces ordres, délaisser ces interdits? Et son but ne sera pas quand est-ce que j'arrive à la fin de la sourate. Et c'est ainsi qu'on devrait être, et particulièrement lors de Salat al-Tarawih. Pas quand est-ce que l'imam va se prosterner, quand est-ce qu'il va faire takbir, non, mais quand est-ce que je vais comprendre ce qu'il récite. Et pareillement pour toutes les prières, pareillement lors de la lecture du Coran en dehors de la prière. Et les savants nous disent, il faut absolument que les effets du Coran apparaissent sur le cœur du serviteur, sur sa langue, sur ses membres, que sa foi augmente, qu'il se réforme, qu'il se corrige de par l'écoute du Coran. Abdurrahman ibn Shibl al-Ansari radiallahu anhu disait, le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit, Iqra'u al-Qur'an, lisez le Coran, wa'amalu bih, et appliquez-le. Et appliquez-le. Là, on voit le but du Coran. On voit le but du Coran, après avoir mentionné les textes sur sa méditation, c'est son application. C'est son application. Al-Albani dit que ce hadith est authentique. Et Ibn Asakir et Tahawi le rapportent, tous deux, radiallahu, rahimahumullah. رحمهم الله. Et on trouve ce sens dans le verset où Allah Azza wa Jalla nous dit: الَّذِينَ آتَيْنَاهُمُ الْكِتَابَ يَتْلُونَهُ حَقَّ تِلَاوَتِهِ أُولَٰئِكَ يُؤْمِنُونَ بِهِ. Ceux à qui nous avons donné le livre, ils le lisent véritablement, d'une lecture véritable, d'une lecture véritable. Ceux-là ont foi en lui, en ce livre. Ibn Abbas explique ce verset et dit: Ay yatba'una haqqa tiba'i, c'est-à-dire ils le suivent réellement. Réellement, yani lire le Coran véritablement, c'est pas juste le fait de le psalmodier avec un tajwid, avec une belle voix. Non. Mais c'est surtout appliquer le Coran. Fait partie de la lecture du Coran, le fait de l'appliquer. Yatlunahu haqqa tilawati. Ici, c'est suivre le Coran. Appliquer le Coran. Ainsi, celui qui se concentre que sur le tajwid, la beauté de la lecture, le fait de sortir les lettres d'où il faut, ikhraj al-huruf min mawadhi'iha as-sahiha, c'est demandé. Et ça peut être obligé. Il y a une partie qui est même obligatoire. Puis d'embellir sa voix. Non. Ça, c'est une bonne chose. Ça, c'est une bonne chose. Et c'est demandé. On encourage les musulmans à ça. Mais certains se sont concentrés sur ça et ont mis tous leurs efforts dans ça, jusqu'à en délaisser sa mise en pratique. Ils ne comprennent pas ce qu'ils lisent. Ils ne méditent pas ce qu'ils lisent. Et ils rivalisent seulement dans la beauté de la voix. Ainsi, tu trouves l'ignorant dire: c'est le meilleur des lecteurs, lui. Non, c'est le meilleur des lecteurs, lui. Alors que quand tu observes la personne, tu ne vois pas sur lui Al-Qur'an. Tu ne vois pas sur lui Al-Qur'an. Lorsqu'Allah Azza wa Jal dit: wa'budu Allah wa la tushriku bi shay'a, et adore Allah, ne lui associe rien, tu vois qu'il est dans le shirk. Quand Allah subhanahu wa ta'ala dit: wa wassayna al-insana bi walidayhi, et nous avons fait des recommandations à l'homme envers ses parents, tu vois qu'il est désobéissant envers ses parents. Quand tu vois qu'Allah dit dans le Coran: wa aqimus salat, et accomplissez la prière, tu vois qu'il préserve pas la prière. Wa atuz zakat, tu vois qu'il sort pas la zakat. Et ainsi de suite. Lui n'a rien à voir avec le Coran. Lui n'a rien à voir avec le Coran. Et ils disent: il a lu le Coran du début à la fin, sans faire tomber une seule lettre, sans rien oublier, sans se tromper. Alors qu'en réalité, il a fait tomber tout le Coran. Il a fait tomber tout le Coran. Pourquoi? Parce qu'il ne le comprend pas et ne l'applique pas. Il ne le comprend pas et ne l'applique pas. Et cela me rappelle une histoire qu'un de nos enseignants, un des élèves de Cheikh Mukhbil rahimahullah ta'ala, nous avait contée. C'est qu'ils sont partis en da'wah avec Cheikh Mukhbil rahimahullah ta'ala. Ils sont arrivés. Avant que le Cheikh ne fasse sa conférence, une personne parlait avec une grande éloquence. À la fin, ils ont dit à Cheikh Mukhbil rahimahullah ta'ala, qui était très fort en arabe, ils ont dit: subhanallah, lam yalhan marratan wahida. Subhanallah, il n'a pas fait une seule erreur de grammaire. Il n'a pas fait une seule faute en s'exprimant. Cheikh Mukhbil rahimahullah ta'ala leur a donné une grande leçon. Il a dit: bal kalamu kulluhu lahan. Il a dit plutôt du début à la fin, il faisait que de se tromper. Il leur a fait comprendre que la vraie faute, c'est pas la faute dans la langue arabe, dans la grammaire ou autre. C'est la faute dans le suivi du prophète alayhi salatu wasalam. C'est la faute dans la pratique. Dans la compréhension de l'islam et sa pratique. Donc, ni on ne décourage les gens dans leurs efforts, dans l'apprentissage du tajwid, la mémorisation du Coran. Mais, en même temps, on doit les sensibiliser sur cette réalité. On doit les sensibiliser sur cette réalité. Barakallahu fikum. On doit immensifier le Coran. Le Coran doit avoir la plus grande place dans nos cœurs. On doit valoriser la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala. Abdurrahman al-Sulami radiallahu anhu disait: Fadlu kalamillahi ala sa'iri khalqi ka fadlillahi ala sa'iri khalqi. Abdurrahman al-Sulami disait: Fadlu kalamillahi ala sa'iri kalami khalqi, la suprématie de la parole d'Allah sur la parole de ses serviteurs est semblable et telle à la suprématie d'Allah sur ses serviteurs. C'est incomparable. La parole d'Allah Azza wa Jalla est incomparable. Elle est incréée. Elle est incréée et la parole des gens est créée. Allah Azza wa Jalla n'est pas créé et les gens sont créés. Allah est le Seigneur et ils sont les serviteurs. Comment est-ce qu'on pourrait immensifier la parole des gens et donner la plus grande importance à leur parole et délaisser la parole du Créateur et ne pas lui donner cette importance? Ce noble Coran, lahu a'zam wa akbar al-athar. Ce noble Coran a les effets les plus profonds, les effets les plus grands. Et nous allons maintenant passer au deuxième volet de cette conférence, après avoir mentionné la grandeur du Coran, de la beauté du Coran, des attributs du Coran, mentionnons maintenant les effets ou des effets du Coran. يقول الله سبحانه وتعالى في كتابه المجيد لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. Si nous avions fait descendre, révéler ce Coran sur une montagne, tu l'aurais vu s'humilier. لرأيته خاشعا, tu l'aurais vu s'humilier. Mutasaddi'an, se fendre, min khashyatillah, par crainte d'Allah. Et voici les paraboles que nous exposons aux gens afin qu'ils réfléchissent, afin qu'ils méditent. Ibn Kathir, rahimahullah ta'ala, nous dit, il en est ainsi pour la montagne. Malgré sa solidité et sa dureté, si elle avait pu comprendre le Coran et méditer ce qu'il contient, la montagne, tu l'aurais vu s'humilier et se fragmenter, se fendre par peur d'Allah Azza wa Jal. فَكَيْفَ يَلِيقُ بِكُمْ أَيُّهَا الْبَشَرُ. Comment il pourrait être acceptable que vous soyez vous, ô vous les gens, pas touchés par ce Coran? Comment serait-il acceptable que vos cœurs ne s'adoucissent pas à l'écoute du Coran, ne s'humilient pas, ne se fendent pas par crainte d'Allah à l'écoute du Coran? S'il en est ainsi pour la montagne, celle avait pu écouter le Coran, comment se fait-il que nous, les humains, nos cœurs ne se fendent pas, ne s'humilient pas, ne s'adoucissent pas à l'écoute du Coran par crainte d'Allah? Alors que vous avez compris de la part d'Allah ses ordres et médité son livre. C'est pour cela qu'Allah dit « وَتِلْكَ الْأَمْثَالُ نَدْرِبُهَا لِلنَّاسِ. Voici des paraboles qu'on expose aux gens. « لَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ » afin qu'ils méditent. Ce Coran, de par sa beauté, sa grandeur et son éloquence, a affecté même le cœur des gens qui ont reçu le livre avant nous. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Le Coran athara ala kulubi ahli al-kitab. Mimma sabaqana. Wa kanu qablana. Fa nahnu ahaq bi an nata'athara bi Al-Qur'an al-Karim. Ils ont été touchés par le Coran, nous sommes plus en droit, nous, d'être touchés par la révélation qui a été faite sur notre prophète, alayhi salatu wassalam. Allah nous dit, وَإِذَا سَمِعُوا مَا أُنزِلَ إِلَى الرَّسُولِ تَرَى أَعْيُنَهُمْ تَفِيضُ مِنَ الدَّمْعِ مِمَّا عَرَفُوا مِنَ الْحَقِّ يَقُولُونَ رَبَّنَا آمَنَّا فَاكْتُبْنَا مَعَ الشَّاهِدِينَ. قال ابن كثير رحمه الله تعالى قال سعيد بن جبير والسدي رحمة الله عليهما نزلت في وفد بعثهم النجاشي إلى النبي صلى الله عليه وسلم ليسمعوا كلامه ويروا صفاته فلما قرأ عليهم النبي صلى الله عليه وسلم القرآن أسلموا وبكوا وخشعوا ثم رجعوا إلى النجاشي فأخبروا. Allah subhanahu wa ta'ala nous dit sur la traduction des sens de ce verset, et quand ils entendent ce qui a été descendu sur le messager, c'est-à-dire Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, tu vois leurs yeux débordés de larmes, parce qu'ils ont reconnu la vérité. Ils disent, ô notre Seigneur, nous croyons, inscris donc nous parmi ceux qui témoignent, c'est-à-dire de la véracité du Qur'an. Ibn Kathir, rahimahullahu ta'ala, dit, Saïd ibn Jubair et Suddi, rahimahumallah, ont dit, ce verset a été révélé au sujet d'une délégation envoyée par Al-Najashi afin qu'ils écoutent les paroles du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam et observent ses caractéristiques. Lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam leur a parlé, leur a récité le Coran, ils se sont convertis à l'islam et ils ont fondu en larmes. Ils ont été touchés de par ce qu'ils ont reconnu comme vérité, c'est-à-dire mentionné dans les livres anciens. Parce que dans l'Injil, on informe de la venue du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Et on décrit ses caractéristiques. On décrit de ses caractéristiques. Puis ils sont revenus voir Al-Najashi et l'ont informé de tout cela. Al-Qur'an, de par sa grandeur, de par son éloquence, de par sa perfection, il redonne la vie au cœur mort. Il redonne la vie au cœur mort. Mort de par le shirk, de par les ténèbres du polythéisme, de l'égarement, de par les ténèbres de l'injustice, de par les ténèbres du fait de s'accrocher aux fausses divinités et de les redouter, de les aimer en dehors d'Allah Azza wa Jal. Ce Coran-là vient purifier ces cœurs-là. Il leur redonne la vie de par le tawhid, de par la guidée, de par la science et la vérité. Allah subhanahu wa ta'ala nous dit. Et c'est pour cela qu'on a appelé le Qur'an « Ruham min amrina » wa kadhalika uhayna ilayka ruham min amrina » C'est ainsi que nous t'avons révélé une âme émanant de nous, c'est-à-dire le Qur'an, car il donne la vie au cœur, il donne la vie irréelle. Dans le recueil de l'Imam al-Bukhari, Jubair ibn Mut'im raconte son histoire. Alors qu'il n'était pas encore musulman, il a assisté à la prière du Maghrib. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a récité Sourate At-Tur. Et lorsqu'il eut atteint Am khuliqu min ghayri shay'in am humul khaliqun. Comprenez bien la situation. Jubair ibn Mut'im, non musulman à l'époque, radiallahu anhu, voit le prophète alayhi salatu wassalam dans la prière du Maghrib. Il écoute ses paroles jusqu'à ce qu'il arrive au verset de Sourate At-Tur. Am khuliqu min ghayri shay'in, ont-ils été créés à partir de rien? Am humul khaliqun, ou sont-ils eux-mêmes leurs propres créateurs? Qala Jubair kada qalbi an yatir. Il a dit, à l'écoute de cela, mon cœur a failli s'envoler. Subhanallah. Mon cœur a failli s'envoler. Un cœur qui n'est pas sur l'islam. Un cœur qui est habité par le shirk. La foi a pénétré son cœur. Ces paroles-là ont purifié son cœur. Et il est revenu à Allah repentant. Il est entré en islam. Et il fut du nombre des nobles compagnons radiallahu anhum. Voici les effets du Qur'an sur la personne qui n'avait pas encore été tawhid. Et c'est pour cela que Kuffar Quraysh redoutait au plus haut point d'écouter le Coran. Ils avaient peur d'écouter le Coran. Ils avaient peur que leurs parents, leurs enfants, leurs épouses écoutent le Coran. Ils interdisaient à leurs enfants et leurs épouses d'écouter le Coran. Allah subhanahu wa ta'ala nous dit « وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لَا تَسْمَعُوا لِهَذَا الْقُرْآنِ وَالْغَوْ فِيهِ لَعَلَّكُمْ تَغْلِبُونَ » Et ceux qui ont mécru dirent: n'écoutez pas ce Coran et faites du chahut lors de sa récitation. Ainsi vous gagnerez, vous l'emporterez. Dans Surat Fussilat, Allah Azza wa Jal nous montre leur peur devant l'écoute du Coran. Ils avaient compris qu'avec ce Coran, le croyant ne pouvait pas le battre. Et que la faille serait dans son délaissement du Coran. Ils avaient compris que le Coran était la meilleure guidée et un livre imparable. Et qu'on ne pouvait pas le concurrencer. Alors ils empêchaient les gens d'écouter ce Coran-là. Comme le font des gens contemporains pour essayer d'éteindre la lumière d'Allah Azza wa Jal. D'essayer de couvrir le soleil en plein milieu de la journée, en plein été. Et ils ne pourront jamais le faire. Et ils ne pourront jamais le faire. Parce que de par ce Coran, l'islam rayonne de toute sa splendeur. C'est le meilleur des livres qui a été révélé, le meilleur des signes envoyés par Allah subhanahu wa ta'ala. Si ce Coran-là a ces effets-là sur le cœur des gens n'ayant pas embrassé l'islam encore, quel effet devrait-il avoir sur le cœur des gens qui prient 5 fois par jour au minimum? Des gens qui récitent le Coran quotidiennement, de jour comme de nuit. Des gens qui ont cru en Allah, en sa parole, en son messager. Des gens qui savent qu'ils vont revenir vers Allah pour être jugés et qu'il n'y aura pas d'autre échappatoire si ce n'est l'une de ces deux destinations, le paradis ou l'enfer. Quel effet devrait avoir ce Coran sur la communauté de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam? Allah subhanahu wa ta'ala nous le dit dans le Coran. Il nous dit subhanahu wa ta'ala, Allah nazzala ahsan al-hadith kitaban mutashabihan mathani taqsha'irru minhu juludu alladhina yakhshawna rabbahum thumma talinu juluduhum wa qulubuhum ila dhikrillah dhalika hudallah yahdi bihi man yasha wa man yudlilillah fama lahu min hat. Dans sourate Az-Zumar, Allah subhanahu wa ta'ala nous dit sur la traduction d'essence de ce verset, Allah fait descendre les plus beaux récits, un livre dont certains versets se ressemblent et se répètent. La peau de ceux qui redoutent leur Seigneur. Là, on nous parle de l'effet du Coran sur les croyants. La peau de ceux qui redoutent leur Seigneur frissonne, c'est-à-dire à son écoute. Puis, leur peau et leur cœur s'apaisent au rappel d'Allah. Voici le livre. Voici le guide d'Allah par lequel il guide qui il veut. Mais quiconque Allah égare n'a point de guide. Az-Zajjaj, rahimahullah ta'ala, nous dit que leur peau frémit, ça à l'écoute des versets sur le châtiment. Et ça aussi, c'est lorsqu'on mentionne les versets où il y a la miséricorde. Voici l'effet du Coran sur les croyants. Voici l'effet qu'on devrait ressentir. Allah subhanahu wa ta'ala nous dit « Innama al-mu'minuna alladhina idha dhukira Allah wajilat qulubuhum wa idha tuliyat alayhim ayatuhu zadathum imana wa ala imana wa ala rabbihim yatawakkalun. » Au début de sourate Al-Anfal, Allah nous dit « Les vrais croyants sont ceux dont les cœurs frémissent quand on mentionne Allah. Et quand ces versets leur sont récités, cela ne fait qu'augmenter leur foi et ils placent entièrement leur confiance en Allah, comptant pleinement sur lui. » C'est ainsi qu'Allah décrit les croyants dans le Coran. Lorsque ces versets leur sont récités, cela fait augmenter leur foi. Voici l'effet du Coran sur les croyants, l'augmentation de la foi. Allah nous dit encore وَالَّذِينَ إِذَا ذُكِّرُوا بِآيَاتِ رَبِّهِمْ لَمْ يَخِرُّوا عَلَيْهِمْ صُمًّا وَعُمْيَانًا. Dans sourate Al-Furqan, et quand les versets de leur Seigneur leur sont rappelés, ils ne deviennent ni sourds ni aveugles. Lorsque les versets de leur Seigneur leur sont récités, ils ne deviennent ni sourds ni aveugles. Au contraire, ils sont tout ouïes. Ils ne sont pas distraits de ce qu'on leur récite. Ils ne donnent pas prévalence à autre chose face à ce Coran. Dans sourate Al-Isra, Allah subhanahu wa ta'ala nous dit قُلْ آمِنُوا بِهِ أَوْ لَا تُؤْمِنُوا إِنَّ الَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ مِنْ قَبْرِهِ إِذَا يُتْلَى عَلَيْهِمْ يَخِرُّونَ لِلْأَذْقَانِ سُجَّدًا وَيَقُولُونَ رَبَّنَا إِنْ كَانَ وَعْدُ رَبِّنَا لَمَفْعُولًا وَنَعَمْ يَخِرُّونَ لِلْأَذْقَانِ يَبْكُونَ وَيَزِيدُهُمْ خُشُوعًا. الله سبحانه وتعالى نودي j'oublie un waouh, wa yakhiruna lil adqan yabkuna wa yazidum khushu'a. Dis, croyez-y ou n'y croyez pas, ceux à qui la connaissance a été donnée avant vous, lorsqu'on leur récite, lorsqu'on le leur récite, tombent prosternés, le menton contre terre. Allah subhanahu wa ta'ala nous dit, ceux qui ont la science, lorsqu'on leur récite ce Coran, ils tombent prosternés le menton contre terre et disent, exempt soit notre Seigneur de tout défaut. La promesse de notre Seigneur est assurément accomplie. Et ils tombent sur leur menton pleurant et cela augmente leur humilité. Remarquez qu'à deux reprises on répète qu'ils tombent prosternés le menton et yani sur leur menton. Ibn al-Shawkani rahimahullah ta'ala nous dit, les gens de science y ont cru et ont trouvé humilité et se sont rabaissés lors de son écoute. Et les effets du Coran ont eu lieu sur eux. Ils tombent ainsi prosternés sur leur menton pour Allah et disent « Subhana Rabbina ». C'est-à-dire Allah est éloigné de tout défaut, notre Seigneur. Puis, on mentionne ici qu'ils tombent sur leur menton en pleurant. وَيَخِرُّونَ لِلْأَذْقَانِ يَبْكُونَ. Donc on a mentionné à deux reprises qu'ils tombent sur leur menton. Pourquoi? Parce qu'il y a deux causes différentes. La première fois, ils tombent sur leur menton de par l'écoute de ce Coran, parce qu'ils ont immensifié Allah. Ce Coran les a amenés à ta'zimullah, les a amenés à vénérer Allah, à immensifier Allah, à voir de la grandeur d'Allah Azza wa Jalla. Alors ils ont dit Subhana Rabbina, ils sont tombés sur leur menton, prosternés pour Allah subhanahu wa ta'ala. Ils ont proclamé la pureté d'Allah devant toute mauvaise parole, devant tout défaut et toute similitude avec ses créatures. Subhana Rabbina. La deuxième cause, l'ilbuka'i bita'thiri mawa'id al-Qur'an fi qulubihim wa mazid khushu'ihim. La deuxième fois, ils ont pleuré et sont tombés prosternés de par l'effet du Coran et de son exhortation sur leur cœur. Allahu Akbar. Parce que ça fait augmenter leur humilité. Voici l'effet du Coran, comme l'a mentionné Imam al-Shawkani en Fath al-Qadir. Mais cet effet n'est pas pour tout le monde. Allah subhanahu wa ta'ala nous dit dans le Coran, inna fi dhalika la dhikra liman kana lahu qalbun aw alqa as-sam'a wa huwa shahid. Il y a bien là un rappel, après qu'Allah azza wa jalla nous a dû mentionner dans sourate Qaf la splendeur de ses créatures, de ses âmes. Allah azza wa jalla nous dit, il y a bien là un rappel pour quiconque a un cœur, prête l'oreille tout en étant témoin. Tout en étant témoin. Ibn al-Qayyim rahimahullah ta'ala nous dit qu'ici on a réuni les causes pour être touché par le Coran. Il faut avoir un cœur vivant. Il faut avoir un cœur vivant. Il faut tendre l'oreille, rechercher la guider. Et il faut être préservé de ce qui peut venir obstruer la lumière du Coran. Non? Tu écoutes le Coran. Tu cherches la guider à travers le Coran, tu crois au Coran. Et aussi, il faut purifier le cœur de ce qui peut venir empêcher la lumière de parvenir à ce cœur de par le Coran. Ainsi, la personne sera touchée par le Coran. Passons maintenant à certains exemples dans la communauté, en commençant par le meilleur, de celle-ci le prophète Muhammad ibn Abdullah sallallahu alayhi wa sallam. Hudhayfa nous dit, comme le rapporte l'imam al-Nasai rahimahullah, que le prophète sallam a récité un jour dans une seule raka'a Sourate al-Baqara, après le Fatiha, Sourate al-Baqara, Al-Imran et Al-Nisa. Il ne passait pas par un verset mentionnant la miséricorde sans la demander à Allah, ni un verset mentionnant le châtiment sans rechercher la protection auprès d'Allah. Et l'imam al-Albani dit qu'il est authentique. Donc voici comment vivaient les versets du Coran, le prophète alayhi salatu wassalam. L'imam al-Bukhari à son tour, rahimahullah ta'ala, nous rapporte l'histoire de Abdullah ibn Saoud, auquel le prophète alayhi salatu wassalam dit un jour, Iqra alayhi, et récite-moi le Coran. Abdullah ibn Saoud a dit, Ya Rasulallah, Aqra'uhu alayk wa alayka unzil. Je vais lire le Coran sur toi, alors que c'est sur toi qu'il a été directement révélé. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a dit, Na'am. Il lui a dit oui. فقرأت سورة النساء إلى هذه الآية فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا قال حسبك الآن فالتفت إليه فإذا عيناه تذرفان. Abdullah ibn Saoud nous dit que le prophète lui a dit de rester, il lui a donc récité de sourate An-Nisa jusqu'à arriver au verset dans lequel Allah subhanahu wa ta'ala nous dit وكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد comment seront-ils quand nous ferons venir de chaque communauté un témoin et que nous te ferons venir comme témoin contre ces gens-ci, c'est-à-dire toi le prophète d'Allah Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Abdullah ibn Saoud nous dit, je me suis tourné vers le prophète sallam, j'ai tourné mon regard vers lui et j'ai vu alors qu'il était en larmes. J'ai vu alors qu'il était en larmes. C'est ainsi qu'était touché le prophète alayhi salatu wassalam lors de la lecture du Coran. Passons maintenant, ou plutôt un autre exemple encore, et il y en a vraiment beaucoup. Abdurrahman, ou plutôt Abdullah ibn Amr ibn As radiallahu anhuma, nous dit, comme le rapporte l'imam Muslim rahimahullah ta'ala, que le prophète alayhi salatu wassalam a récité la parole d'Allah au Seigneur d'Ibrahim, Rabbi innahunna adlalna kathiran minan nas, faman tabi'ani fa innahu minni, wa man asani fa innaka ghafurur rahim. Et la parole d'Allah au Seigneur de Isa, in tu'adhibhum fa innahum ibadi, wa in taghfir lahum fa innaka antal azizul hakim. Farafa yadayhi, قال اللهم أمتي أمتي وبكى صلى الله عليه وسلم فقال الله يا جبريل اذهب إلى محمد وسله ما يبكي وربك وسله ما يبكيك وربك أعلم فسأله جبريل فقال ما قال صلى الله عليه وسلم وهو أعلم فقال الله يا جبريل اذهب إلى محمد فقل إنا سنرضيك في أمتك ولا نسوءك. Abdullah ibn Amr al-As radiallahu anhuma nous dit, le prophète sallam a lu la parole d'Allah au sujet d'Ibrahim, ô mon Seigneur, elles ont égaré beaucoup de gens, quiconque me suit est des miens, quant à celui qui désobéit, c'est toi le pardonneur, le très miséricordieux, c'est-à-dire les idoles, elles ont nui à beaucoup de personnes. Et la parole d'Allah au sujet de Isa, si tu les châties, ils sont tes serviteurs, et si tu leur pardonnes, c'est toi le puissant, le sage. Le prophète sallam s'est mis à lever les mains. Il s'est mis à lever les mains et à dire, ô Allah, ma communauté, tout en pleurant. Alors Allah a dit au Jibril, rends-toi auprès de Mohammed, demande-lui ce qui le fait pleurer, ton Seigneur est plus savant. Alors Jibril s'est rendu auprès du messager sallallahu alayhi wa sallam et il a questionné. Le prophète sallam lui a répondu, puis Jibril est revenu à Allah et Allah est plus savant. Allah azzawajal a donc dit à Jibril, rends-toi auprès de Mohammed et dis-lui, tu seras satisfait de ce que nous ferons de ta communauté et tu ne seras pas déçu. Allahu Akbar. L'effet du Coran sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam, l'effet des histoires des peuples passés racontées dans le Coran sur le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, l'effet des désobéissances des peuples passés sur le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Passons maintenant, maire de la communauté après son prophète Abu Bakr ibn Siddiq radiallahu عنه خليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم. Vous connaissez tous l'histoire de Hadithatul Ifk, l'histoire de la calomnie au sujet de Aïcha radiallahu anha. Et il y a un homme qui s'appelle Mustah, un de ses proches, qui est tombé dans ce trouble et a répété la parole des hypocrites avant de s'en repentir radiallahu anha. Abu Bakr a grandement été touché par la parole de son proche pour qu'il dépensait, qu'il aidait Mustah ibn Uthatha. Alors il a juré, Abu Bakr a juré de ne plus jamais dépenser pour Mustah. Mustah était pauvre, il faisait partie des Muhajiris, et Abu Bakr était un de ses proches, il l'aidait financièrement parlant. Quand il a su cela de Mustah, il a juré qu'il ne l'aiderait plus jamais suite à ce qu'il a dit au sujet de Aïcha. Alors Allah Azza wa Jal révéla: وَلَا يَأْتَلِ أُولِي الْفَضْلِ مِنْكُمْ وَالسَّعَةِ يَيُؤْتُوا أُولِي الْقُرْبَى وَالْمَسَاكِينَ وَالْمُهَاجِرِينَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلِيَعْفُوا وَلِيَصْفَحُوا أَلَا تُحِبُّونَ أَنْ يَغْفِرَ اللَّهُ لَكُمْ. Allah subhanahu wa ta'ala révéla: et que les détenteurs de richesses et d'aisance parmi vous ne jurent pas de ne plus faire don aux proches, aux pauvres et à ceux qui ont émigré dans le sentier d'Allah. Qu'ils pardonnent, qu'ils absolvent. N'aimez-vous pas qu'Allah vous pardonne? Et Allah est pardonneur et miséricordieux. Imaginez la situation. On parle sur une des meilleures femmes au monde qui marche sur la terre d'Allah Azza wa Jal, Aïcha. La femme du meilleur prophète et messager, le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Fille du meilleur des hommes après les messagers, les prophètes, Abu Bakr al-Siddiq. On dit cela d'elle. On l'accuse d'avoir fait ce dont Allah l'a innocenté dans le Coran. Abu Bakr s'est mis en colère suite à l'honneur qui a été touché, l'honneur de Aïcha radiallahu anha. Est-ce qu'il a fait comme certains qui des années déclarent la guerre à leurs proches ou ne parlent plus à leurs frères pour un bout d'héritage ou autre, ou à leur sœur en Allah, ou à leur frère en Allah, ou même aux enfants par moment? Écoutez, lorsqu'Allah a révélé ce verset, à la seconde même où Abu Bakr l'a entendu, il a dit: Bala, wallahi, inni uhibbu an yaghfir Allahu li. Mais si, par Allah, j'aime qu'Allah me pardonne. Faraja'a ila Mustah an-nafaqat allati kana yunfiqu alayhi. Et il s'est empressé de donner à Mustah ce qu'il lui accordait auparavant. Et a même ajouté: Wallahi, la unzi'uha minhu abadan. Par Allah, jamais je ne retirerai ces dons que je fais à Mustah. En un verset, regardez l'état de Abu Bakr. Comment est-ce qu'il a été touché par le Coran? Ça l'a réconcilié immédiatement avec Mustah. Hakada, c'est ainsi qu'ils étaient. C'est ainsi qu'ils étaient. Passons maintenant à l'effet du Coran sur Al-Farouq, sur Omar ibn al-Khattab, le deuxième calife de l'islam. Un jour, Omar radiallahu anhu est sorti, ou plutôt une nuit, Omar ibn al-Khattab est sorti. Et en passant près d'un mur des musulmans, il a entendu sa récitation. Omar ibn al-Khattab sortait certaines nuits et il parcourait les rues de Médine, ressentant cette lourde responsabilité que d'être le responsable des musulmans. Il a entendu la récitation d'un homme. Il s'est arrêté à écouter. Cet homme-là récitait la nuit, priait probablement la nuit. Il a écouté sa récitation. Et il récitait dans Sourate At-Tur. Et lorsque ce compagnon a récité: Inna azaba rabbika lawaqi', ma lahu min dafi'. Certes, le châtiment de ton Seigneur est inéluctable. Personne ne pourra le repousser. Personne ne pourra le repousser. Omar ibn Khattab radiallahu anhu a dit: Qasamun wa rabbil Ka'ba haqqun. Allah a juré le Seigneur de la Kaaba a juré, c'est un juron qui est forcément véridique, vérité. Fanazala min himar, il était sur sa monture. En entendant ce verset, ça l'a tellement bouleversé. Il visualisait cette scène. Il parcourt les nuits de Médine. Il entend une personne qui récite, il s'arrête, il est sur sa monture. Il entend, certes, le chat inna adab rabbika lawaqi' ma lahu min dafi'. Le châtiment de ton Seigneur est inéluctable. Assurément, il aura lieu. C'est ça que ça veut dire. Personne ne pourra le repousser. Il descend de son âne. Il s'adosse sur le mur. Et il médite cela. Il s'adosse sur le mur et médite cela, radiallahu anhu. Par la suite, pendant un mois, il est resté chez lui. Il est tombé malade et les gens le visitaient. Suite à la méditation de ce verset. Comme l'a mentionné le grand savant Ash-Shinqiti fi Adwa al-Bayan. Et le jour du plus grand malheur qui a touché les mondes et la communauté, le jour du décès du prophète sallallahu alayhi wa sallam, comme le rapporte Imam Bukhari, Aisha radiallahu anha a subi ce grand malheur et s'est montrée endurante. Lorsque cette information est sortie chez les musulmans, Omar ibn Khattab a sorti son épée et a dit « Wallahi, ma mata Rasulullah, je jure par Allah que le message d'Allah n'est pas mort. Mais il lui est arrivé plutôt comme il est arrivé à Moussa, il est parti vers son Seigneur, il reviendra. Et il fera. » Abu Bakr radiallahu anhu est revenu de sa maison secondaire. Il est rentré chez Aïcha et a vérifié l'information. Il a trouvé qu'en effet le prophète sallam était décédé. Il l'embrasse entre les deux yeux et lui dit « Matiyabaka hayyan wa mayyita ya Rasulallah. Oh comme tu es bon et pur de ton vivant et après ta mort. » Puis il est sorti à la mosquée. Il a trouvé que Omar ibn Khattab était debout et qu'il menaçait les gens de son épée. Et quiconque dira que le prophète sallam est mort aura en découdre avec Omar ibn Khattab. Alors Abu Bakr radiallahu anhu lui a dit « Uskut ya rajoul, observe le silence. » Mais Omar ibn Khattab était tellement bouleversé par l'annonce du décès du prophète sallam qu'il n'arrivait pas à se retenir. Alors Abu Bakr radiallahu anhu a pris la parole. Et a dit « Yani tashahad, ashhadu alhamdulillah wa ashhadu an la ilaha illallah. Ayyuhan nas. » Alors les gens se sont détournés de Omar pour se diriger vers Abu Bakr. Et Abu Bakr radiallahu anhu leur a dit Amma ba'd. Faman kana minkum ya'budu Muhammadan fa inna Muhammadan qad mat. Ô vous les gens, celui qui parmi vous auparavant adorait Muhammad, qu'il sache que Muhammad est bel et bien mort. وَمَنْ كَانَ يَعْبُدُ اللَّهِ فَإِنَّ اللَّهَ حَيٌّ لَا يَمُوتُ. Quant à ceux qui parmi vous adorent Allah, sachez qu'Allah est vivant et il ne meurt pas. قَالَ اللَّهُ تَعَالَى وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِهِ الرُّسُلُ أَفَإِنْ مَاتَوْ قُتِلًا قَلَبْتُمْ عَلَى أَعْقَابِكُمْ. Puis il récita la parole d'Allah Azza wa Jal et Muhammad n'est qu'un messager parmi les messagers envoyés auparavant. S'il meurt, ou bien il est assassiné, est-ce que vous rebrousserez chemin, vous retournerez sur vos pas? Jusqu'à la fin des versets, ils disent, c'est comme si les gens n'avaient jamais entendu ce verset. Omar ibn Khattab radiallahu anhu nous dit, ما إن تلاها أبو بكر حتى عقرت فما تحملني رجلايا. Omar ibn Khattab dit, lorsque j'ai entendu cette lecture de Abu Bakr, je suis tombé au sol. Mes jambes n'arrivaient plus à me supporter. C'est comme s'ils n'avaient jamais entendu ce verset. Et là, ils ont eu la certitude que le prophète sallallahu alayhi wa sallam est décédé. Regardez comment, de par ces versets, Abu Bakr a été ferme et a affermi les autres croyants. Et que par ces versets-là, Omar ibn Khattab s'est tranquillisé absolument, yani totalement, et s'est mis au sol pour endurer cette situation et patienter, radiallahu anhu. Et après le décès du prophète, Ils aimaient écouter le Coran de celui duquel aimait écouter le Coran le prophète alayhi salatu wasalam, Abu Musa al-Ash'ari. Abu Musa al-Ash'ari récitait le Coran magnifiquement bien. Et par moments, les compagnons étaient réunis, et lorsqu'Abu Musa arrivait, il lui disait, récite le Coran. Subhanallah. Il lui disait, récite le Coran. Ibn Qayyim mentionne dans Rawdatul Muhibbin, كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا اجتمعوا أمروا قارئا أن يقرأ القرآن وهم يستمعون إليه. Et les compagnons parfois se réunissaient et ils ordonnaient à l'un d'entre eux, ils demandaient à l'un d'entre eux de réciter le Coran et ils l'écoutaient. Pas la manière innovée qu'on trouve dans certains endroits. Tout le monde récite en même temps. Hein? Tout le monde récite en même temps du seul et même voix. Non, cela ne fait pas partie de ce que faisait le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Cela ne fait pas partie de ce que faisaient les compagnons. Non. Mais un récite et les autres écoutent et méditent le Coran. Ça c'est la sunna du prophète alayhi salatu wassalam. Quant au fait de réciter en même temps le Coran, hein, comme on trouve dans certaines mosquées, dans certains pays, ça c'est un égarement et c'est une innovation. Le prophète ne l'a jamais fait. Les sahaba ne l'ont jamais fait. Et ce sont les plus grands savants du Coran. Non, mais un récitait et les autres écoutaient. Un récitait et les autres écoutaient. Donc, et Omar ibn Khattab radiallahu anhu, lorsque Abu Musa entrait dans l'assise, il lui disait, Ya Abu Musa, dhakirna Rabbana, fayakraw Abu Musa al-Quran, wayabkoun. Subhanallah. Imaginez la scène, Omar ibn Khattab avec les sahaba, ils sont assis. Lorsque Abu Musa al-Ash'ari rentrait, Omar ibn Khattab lui disait, rappelle-nous notre Seigneur, dhakirna Rabbana. C'est-à-dire que la lecture du Coran, a'zamu dhikr. La lecture du Coran, a'zamu ta'lim. La lecture du Coran, c'est le rappel par excellence. Donc, Omar al-Khattab disait à Abu Musa, dhakirna Rabbana. Et Abu Musa, radiallahu anhu, récitait le Coran. Et il se mettait à pleurer. Omar al-Khattab, par moments, se mettait à pleurer. Voici comment étaient les compagnons. Allah nous dit dans le Coran, Alam ya'ni alladhina amanu an takhsha'a qulubuhum li dhikrillah. Le moment n'est-il pas venu que les cœurs s'adoucissent à l'écoute du rappel d'Allah? Que les cœurs s'humilient à l'écoute du rappel d'Allah? Abdullah ibn Omar nous dit, ou bien Abdullah ibn Mas'ud nous dit, comme ça a été rapporté par l'imam muslim, ma kana bayna islamina wa bayna an atabana Allah bi hadhi al-aya illa arba'u sinin. Le temps n'est-il pas venu que les cœurs s'humilient à l'écoute du rappel d'Allah? Abdullah ibn Mas'ud nous dit, il ne s'est pas écoulé entre notre conversion à l'islam et la révélation de ce verset 4 années. 4 années après leur entrée en islam, Allah Azza wa Jal les a blâmés de par ce verset. Le temps n'est-il pas venu que vos cœurs s'humilient, se rabaissent, se fendent à l'écoute du Coran? 4 années. Combien d'années on a d'islam? Certains ont 50 ans en islam parmi nos papas. Certains ont 60 ans. Certains ici ont plus de 70 ans de Coran, d'islam. Certains ont 10 ans, certains ont 15 ans, certains 20 ans, 30, et ainsi de suite. Allah nous dit dans le Coran, Ikhwan al-Kiram, Alam ya'ni lil-ladina amanu an takhsha'a qulubuhum li dhikrillah. Le temps n'est-il pas venu que les cœurs s'humilient de par l'écoute du rappel d'Allah? Et wallah, certains parmi les anciens, l'écoute de ce verset les a poussés à se repentir, à arrêter leurs péchés. Wallahi, le temps est venu pour nous tous que nos cœurs soient touchés par la lecture du Coran, l'écoute du Coran, la méditation du Coran. Abdullah ibn Omar, lorsqu'il lisait ce verset, il pleurait. Il pleurait, radiallahu anhu. Comme c'est mentionné dans le Hilya de Abu Nu'aym rahimahullah. Thabit ibn Qais Ô combien il était affecté par le Coran. Lorsqu'Allah a révélé Ya ayyuhalladhina amanu la tarfa'u aswatakum fawqa sawti an-nabi wa la tajharu lahu bil qawli ka jahri ba'dikum li ba'din an tahbata a'malukum wa antum la tash'urun. Ô vous qui avez cru, n'élevez pas vos voix au-dessus de la voix du prophète et ne lui parlez pas à voix haute comme vous le faites les uns envers les autres de peur que toutes vos actions deviennent vaines. Thabit ibn Qais, lorsque le prophète a resté ce verset, est rentré chez lui. Ne sortait plus et il pleurait. Le prophète a.s.w. a demandé aux compagnons de s'enquérir de son état. Un l'a visité et il a dit « Allah a annulé mes œuvres et je vais rentrer en enfer ». N'entendez-vous pas ce verset? Les compagnons voyaient les versets pour eux, ils se soignaient avec le Coran, ils pensaient pas aux autres quand ils lisaient le Coran. Ils pensaient à eux, à se corriger eux. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, parce qu'il avait une voix portante, alors il s'est dit « Je suis visé par ce verset, mes œuvres sont vaines, j'entrerai en enfer ». Quand on a transmis cela au prophète sallallahu alayhi wa sallam, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit « Mais non, dites-lui plutôt qu'Allah n'a pas annulé ses œuvres et il fait partie des gens du paradis. Il fait partie des habitants du paradis. » C'est ainsi qu'étaient les compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam. On rapporte que Thabit al-Bunani rahimahullahu ta'ala récita de suratul Humaza allati tattali'u 'ala al-af'ida, celle qui atteint les cœurs. Il a dit ta'kuluhu ila fuadihi wa huwa hayy. Il a médité et a dit le feu les brûleront jusqu'au cœur et ils resteront vivants. Thumma baka wa abka man hawla. Puis il a pleuré et a fait pleurer ceux qui se trouvaient autour de lui. C'est-à-dire que les gens de l'enfer vont subir le châtiment de l'enfer. Ils vont être brûlés de toutes parts jusqu'à ce que ce feu pénètre leur cœur et les brûle jusqu'au cœur. Malgré ça, ils ne mourront pas de cela. Ils resteront vivants afin de ressentir le châtiment. Cela l'a fait pleurer, le fit pleurer et il fit lui pleurer ceux qui se trouvaient autour de lui. Où sommes-nous devant le verset innamal mu'minuna ikhwa? Les croyants ne sont que des frères. Les croyants ne sont que comme des frères. Lorsqu'on regarde les faits de ces textes sur les compagnons, on trouve de grandes disparités entre nous et eux. On trouve de grandes différences entre nous et eux. Un clivage qu'on ne saurait mesurer. Wa inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. Pourtant nous récitons ces versets innamal mu'minuna ikhwa. Pourtant nous lisons les hadiths du prophète alayhi salatu wassalam. Voyons l'effet que cela a eu chez certains parmi les compagnons. Comme l'a rapporté Ibn Sa'd dans Tabaqat et Ibn Abd al-Barr dans Tamhid. Dans la bataille de Yarmouk, Al-Harith ibn Hisham, Ikrima ibn Abi Jahl et Suhail ibn Amr, tous trois sont décédés. Et lorsqu'ils étaient blessés et au sol, une personne leur est venue avec de l'eau. On arriva auprès de Ikrima pour lui donner de l'eau alors qu'il était allongé dans ses blessures. Mais Ikrima radiallahu anhu a tourné sa tête et il a vu Suhail au sol et il lui a dit « Donne à boire à mon frère, il a plus besoin que moi. » Allahu Akbar. Regardez la fraternité. Il est allongé, blessé, sur le point de mourir devant le besoin de cette eau, mais il dit « Commence par mon frère, il a plus besoin de vous. » Quand on arrive à Suhail radiallahu anhu pour lui donner l'eau, il tourne sa tête, il voit le Harith et lui dit « Commence par mon frère, il a plus besoin d'eau. » Subhanallah. Puis le premier décède, puis le deuxième décède, puis le troisième décède. C'est ainsi qu'ils avaient la valeur de cette fraternité. C'est ainsi qu'ils avaient la valeur de cette fraternité. Et on trouve cela aussi chez les pieux prédécesseurs. On trouve cela aussi chez les pieux prédécesseurs. Pour finir, l'histoire de Al-Asma'i. Al-Asma'i voyageait beaucoup. Et un jour, durant un voyage, il a rencontré un bédouin. Ils se sont présentés mutuellement. Et le bédouin a dit, Al-Asma'i, d'où viens-tu? Il lui a dit, d'un endroit où on récite la parole du Tout Miséricordieux. D'un endroit où on récite la parole d'Ar-Rahman, Al-Qur'an. Et l'Arabi lui a dit, Awali Ar-Rahman kalamun yatluhu Al-Adami. Il lui a dit, comment le Tout Miséricordieux Allah a une parole que le fils de Adam peut lire? Il lui a dit, oui. Il lui a dit, fais-moi entendre de la parole du Tout Miséricordieux. Alors Al-Asma'i lui a récité de Sourate Al-Dhariyat jusqu'à arriver au passage où Allah dit « Wa fis sama'i rizqukum wa ma tu'adou » et dans le ciel il y a votre subsistance et tous ceux ou bien et ceux qui vous a été promis. Al-A'rabi a dit et dans le ciel votre subsistance et tout ce qui vous a été promis. Il a pris sa chamelle. Il a dit Al-Asma'i, aide-moi. Il a sacrifié sa chamelle. Il a coupé la viande et l'a distribuée aux pauvres. C'est-à-dire, en écoutant ce verset, il a su que sa subsistance était protégée chez Allah. Et qu'Allah allait lui donner. Alors il a sacrifié son chameau et il a donné la viande aux pauvres. Plus tard, il a rencontré à nouveau Al-Asma'i, mais cette fois-ci à Mecca. Et il lui a dit, te voilà ici et récite-moi à nouveau de la parole du Tout Miséricordieux. Allahu Akbar. Il lui a récité à nouveau de Sourate Al-Dhariyat jusqu'à arriver au passage فَوَرَبِّ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ إِنَّهُ لَحَقٌ مِثْلَ مَا أَنَّكُمْ تَنْطِقُونَ. Par le Seigneur du ciel et de la terre, ceci est tout aussi vrai que le fait que vous parliez. Alors le Arabi s'est mis à crier, à dire à voix haute, Ya Subhanallah, men ذَا أَغْضَبَ الْجَلِيلِ حَتَّ حَلَفْ. Qu'est-ce qui a mis en colère l'immense jusqu'à ce qu'il s'est mis à jurer? Qu'est-ce qui a mis en colère Allah jusqu'à ce que Allah jure? C'est-à-dire que nous on croit aux informations d'Allah même s'il ne jure pas. Mais si Allah a juré, c'est qu'ils ont mis en colère Allah subhanahu wa ta'ala. Ils n'ont pas cru jusqu'à ce qu'Allah ait juré ici dans ce verset. Ce Arabi a répété cela trois fois puis il est décédé. Rahimahullahu ta'ala. Il a répété ses dires à trois reprises puis il est décédé. J'ai écourté l'histoire, comme ça va être l'iqama. Wa khitaman, pour finir, on demande à Allah subhanahu wa ta'ala de soigner nos cœurs et de nous permettre de lire le Coran, de le méditer, de l'appliquer et d'en faire un imam dans notre vie. Allahumma ya hayu ya qayyum. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammadin kama sallaita ala ali Ibrahim innaka Hamidul Majid. Allahumma barik ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama barakta ala ali Ibrahim innaka Hamidul Majid. Ya hayu ya qayyum bi rahmatika nasta'in. Aslih sha'nana kullah wa la takilna ila anfusina tarfat 'ayn. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم اغفر لنا ذنوبنا كفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. اللهم عنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. اللهم عني على تلاوة القرآن. اللهم عنا على تلاوة القرآن وتدبر آية القرآن يا رب العالمين. والله أعلم. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. والحمد لله الذي بنعمتي تتم الصالحات.